Où est la poubelle ? Laquelle ? Ici, il n'y a pas une poubelle, mais trois poubelles. Je veux juste jeter le pot de confiture qui est vide. Eh bien, tu le mets dans le sac plastique derrière la porte. Trois poubelles plus un sac plastique ? Mais pourquoi tu te compliques la vie ? Je ne me complique pas la vie, je fais le tri sélectif. Tu n'as jamais entendu parler du tri sélectif ? Les poubelles de différentes couleurs. Jaune pour les papiers et les cartons, verte pour les plastiques, les boîtes de conserve et les déchets en général, blanche pour les verres. Tu ne les as pas vues dans la cour de l'immeuble ? Non, je n'ai pas fait attention. Mais entre nous, tu crois vraiment que ça sert à quelque chose ? Évidemment ! Il faut recycler au maximum. Il faut arrêter de gaspiller et de polluer. Ça m'étonne que tu ne comprennes pas ça. En tout cas, ça montre que les gens ne sont pas encore bien informés. Il faut vraiment que tout le monde prenne conscience que des gestes simples peuvent contribuer à réduire le gaspillage et à économiser l'énergie. Mais c'est surtout les grosses entreprises industrielles qui doivent utiliser des énergies renouvelables et non polluantes. Bien sûr. Jusqu'à présent en France, comme on n'avait pas de pétrole, on a construit plein de centrales nucléaires. Ça nous a permis d'être indépendants et de produire de l'électricité à un prix intéressant. Mais c'est peut-être pas la solution idéale. Ça me fait un peu peur, le nucléaire. Je trouve ça dangereux. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi.